Bonjour mesdames, messieurs et ménestres et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Vous écoutez l'épisode 16 de la saison 4 dont on n'a rien préparé, diffusé le 16 janvier 2023. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Facebook et Instagram à écouter nos autres épisodes avec ou sans invité et si vous en avez les moyens et l'envie, à nous soutenir sur utip.io. Je m'appelle Emmanuel, je serai la présentatrice du jour, mais je ne suis pas seul comme vous le savez. Ou comme vous ne le savez pas si c'est la première fois que vous nous rejoignez. J'ai à mes côtés mes habituels joyeux et joyeuses lurons et luronnes pour vous apporter de la joie dans vos cœurs en ces temps froids. Et d'un côté, Hicham El Amouri. La petite pédée, il petit, salut. Et de l'autre, Rise Brazel. Elle est plus sincère que moi. Non, vous avez votre couleur de votre couleur de joyeux luron et de joyeuse luron. Elle a vraiment rigolé. Écoute, moi je suis couleur lavande. Toi tu es couleur. Ah non, t'es pas lavande. Néant. T'es pas lavande. Iseu, t'es néant. Beaucoup plus. Néant. J'ai l'impression que c'est pas une bonne. Iseu, moi si. Je t'imagine plutôt safran. Je suis safran. Ouais. Ah, safran. Couleur néant. Genre le cosmos. Toi, t'es non, mais non, pas du tout. Toi, t'es un beau verre d'eau ou un... Verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. Une belle couleur, un verre d'eau. Une couleur qui, d'ailleurs, me va très bien. Mais le sujet n'est pas les couleurs qui me vont bien au teint. Mes publics, êtes-vous automne, hiver, printemps ou été? Ce n'est pas le moment d'y répondre. Par contre, on n'a rien préparé. C'est trois impros. C'est environ une demi-heure d'émission. C'est parfois une vue sur le palais d'Iseu Brazel. Qui baille. Je n'ai jamais vu quelqu'un bailler avec autant de... Et ça commence tout de suite, justement avec une improvisation qui nous est amenée par Iseu Brazel. Qui baille. Trop bien. J'ai trop hâte. Alors, tu vois, tu n'es pas lavande du tout. Ah bon? Tu m'as dit quoi, Safran? Merci. Alors, je vous propose une improvisation dictionnaire. Au lieu de vous donner un thème, on va dire, facile à comprendre, je vais vous donner un mot un peu obscur du dictionnaire français et vous devrez vous inspirer de ceci pour créer l'improvisation, même si vous ne comprenez pas la définition. Et je donnerai la définition plus tard, genre « Oh mais voyons, c'était ça !» J'exige que la définition soit lue avec cette façon de parler. Ça va, je le ferai. Le mot que je vous propose est l'hypopremier. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que l'hypopremier? C'est l'hypopremier? Comment ça s'écrit? Genre L-I-P-O et puis premier, en un seul mot. L'hypopremier. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, c'est parti. Oui, bon, tu t'es super bien débrouillé, mais je pense que tu aurais pu mieux faire. Première place, c'est super. Mais vraiment... Ça ne suffira donc jamais. Écoute, je suis désolé, mais il y a des standards dans... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour qu'enfin tu me regardes un petit peu comme un être humain et pas comme une machine à ton service. Mais que tu sois un hyper-premier. Pas un hypo-premier. Tu ne peux pas te contenter de gagner. On gagne ici dans cette famille de père en fils, de fils en frère, de cousin en cousine, en... J'ai 100 victoires d'affilée à mon actif. Je ne fais que des strikes. Encore heureux que tu gagnes. On m'a même dédié un hashtag QDS sur les Instagram. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi? Je veux que tu les broies, que tu les détruises. Que après ton passage, il ne reste d'eux que des espèces de flaques informes, sans la moindre consistance ni le moindre charisme. Tu veux que je strike mes adversaires? Oui, tu es trop gentil. Tout. Rends-toi compte, quand tu vas passer au niveau régional, que crois-tu qui va se passer? Tu vas être confronté au turban fou, tu vas être confronté au duo débile, tu vas être confronté à toutes ces équipes régionales qui n'ont aucune pitié! Tu crois que je n'ai pas essayé le niveau régional? Tu crois que ça a été facile? Non. Je me suis cassé les dents dessus, je suis revenu et j'ai compris. Il ne faut leur laisser aucune pitié. Il ne peut pas être gentil. Alors c'est ça qu'il faut? Oui. Eh bien non, si c'est comme ça, je serai l'hypo premier. Voilà. Je serai l'hypo premier. Et il n'y a rien que tu puisses faire parce que blesser des êtres humains, c'est au-dessus de tout ça. Oh, c'est pas comme ça qu'on va rembourser le prêt sur la maison, ok? Ah oui? Ouais, il nous faut un prix d'hyper premier. Et est-ce que tu penses que si plutôt que de tout reporter sur moi, si toi-même t'essayais de faire quelque chose de tes 10 doigts à toi, tu crois qu'on s'en sortirait pas mieux? À ton avis, pourquoi je porte toujours des moufles? Regarde ce que le bowling a fait à mes mains. Je sais ce que le bowling a fait à tes mains. Non. Hein? Je ne peux plus tenir de stylo. Je peux à peine tenir une cuillère. Eh bien, sois homme sandwich. Il paraît que ça gagne très bien. Fils ingrat. Père indigne. Waouh! Je visualisais vraiment le drama familial dans la salle de bowling. Je disais, les doigts, ils sont genre... Ouais. Aussi. En vrac, genre hyper, à angle droit. Hyper plein d'arthrose et tout. Et donc, l'hypo premier veut dire, un premier, mais pas assez de premier. Pas assez. C'est évident. Mais parce que l'hypo, genre, tu vois, l'hyposuction, ça veut dire genre on aspire la graisse. Oui, oui. L'hypo premier, ça veut dire la première graisse, c'est la graisse ultime. Sûrement. Moi, j'étais parti là-dessus à la base et puis bon, j'ai baissé pavillon. Oh là là. Mais nous voyons alors. L'hypo premier, c'est un liponombre qui est premier. Un quoi? Un liponombre qui est premier. Non, faut pas le répéter, faut le dire. Qu'est-ce qu'un liponombre? Un nombre qui, lorsqu'il est écrit en toutes lettres, ne contient pas de E. Quoi? Wow. Exemple, et oui, 28, il y a un mot pour ça. 28 est un liponombre. Et pas un lipo premier. Lipo premier, c'était quoi encore? Donc, lipo premier, c'est un liponombre exemple, qui est premier. 3. Par exemple, 3, c'est un lipo premier. Exactement. Parce que 3 n'a pas de E et 3 est un nombre premier. Non, mais ben, pourquoi? Quel est l'usage de... Je trouve ça génial. Ah, la langue française n'a vraiment aucun... Mais moi, en plus, j'ai cette petite obsession avec les nombres, les chiffres et les additions. Ah oui, ah bon, tu crois ? C'est génial. Le mot que j'ai cherché toute ma vie existe. Oh là là, c'est infernal ce truc. Un est un lipo premier. J'ai envie de crever. Waouh. Eh bien, merci. Mais attends, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, si 70 et 90 est pris en compte dans ce truc-là, ou ils ne prennent en compte que 80, 90 et non, parce que c'est... Genre, mais ensuite, il n'y a pas de E dans 70. Ah si, 70, il y a deux E dans 70. Par exemple, tu passes de 70. Ah non, il y a un E dans 60. Oh là là, j'ai envie de crever. Eh bien, crever. 80, eh bien, Hicham, non, ne crève pas tout de suite parce que c'est ton tour de présenter une impro. Alors, s'il te plaît, présente-nous ton impro et après, tu feras ce que tu veux. Je mettrai fin à mes souffrances dans mes toilettes. Ce qui est marrant, c'est que dans l'hypo premier, il y a des E. Bref, voilà. Et dans l'hypo numéro 6. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous laisser partir en roue libre sur une chanson. Vous allez faire une chanson. J'ai trouvé une instru sur internet. Vous allez faire une chanson et vous allez avoir un mot pour vous inspirer. Ce mot sera calibre. C'est le mot. Calibre, c'est le mot. Calibre n'est pas un lipomot. Non, ouais, non, on va arrêter tout de suite. on va arrêter tout de suite. Et. Calibre. Okay. Calibre, et c'est parti. Démarré, je pensais maîtriser, mais tu m'as montré que dans cette vie je me trompais. Tu m'as dit sors ton calibre, puis tu t'es foutu de ma gueule. Tu m'as dit t'es pas un homme libre, puis t'as sorti un désertigueule. Désertigueule pendant ma gueule, pendant ta gueule, pendant ma gueule. Tu veux de la liberté, mais toi tu fais tout foirer. Imagine un monde sans toi. Un monde, y en aurait pas. T'aurais tout détruit. T'aurais fini ma vie. Écoute-moi. Pendant ta gueule. Pendant ta gueule. Pour un monde meilleur. Pendant ta gueule. Elle a pris un Desert Eagle pendant ma gueule, pendant ma gueule. Elle a pris un Desert Eagle pendant ma gueule, pendant ma gueule. Elle a pris un Desert Eagle pendant ta gueule pour un monde meilleur. Dans ma gueule. Alors ça y est, je pourrais jamais exister autrement qu'un flingue à la main pour te raconter. Que je crois à demain, que je crois pouvoir exister main dans la main. En ayant posé les calis plutôt que de les montrer, plutôt que d'exhiber tout ce qui fait que finalement j'existe que parce que je suis, parce que j'ai. Moi je veux exister, moi je veux pouvoir t'aimer comme ça sans devoir toujours montrer, sans devoir toujours prouver, sans devoir toujours prouver exister. C'est pas personnel. Pendant c'est pas ma personnel. Gueule. Pendant ta gueule, Desert Eagle. Pendant ta gueule, pendant ma gueule, pendant ta pendant gueule. Ma gueule, pendant ta gueule, Desert Eagle. C'est pas personnel, c'est pas personnel. C'est ce que t'as dit, mais pour un monde meilleur, mais pendant mais ta gueule, pendant ma gueule, je me suis écroulé, tu t'es éloigné. Moi écroule j'étais toi. Baigné. J'ai pas besoin de toi. Pendant ta gueule, ma gueule. Pendant ta gueule. Des larmes ou du sang, je sais plus, ça compte plus. Je m'écroule vite de mon sang. Paix. Un monde en paix. Un monde tu t'éloignes tes talons, clac. Allez. C'était quoi le refrain encore? En Desert Eagle, pendant ta gueule. Mais là, je plaisante. Voilà. Prends une Danette, non? Oui, voilà, c'est ça. On te fait tous pour Danette. Danette. Du lever au coup. Oh non, ça a dégénéré. Pendant ta gueule. On se lève tous pour. Eh ben, vous êtes bien amusés. Ah bah dis. Ça, j'ai l'impression que ça fait l'apologie de style de vie d'une violence crasse. Mais j'ai essayé de m'en sortir et elle m'a étalé sur le pavé. Enfin, oui, c'est ça. Écoute, mais c'était pas personnel. Pendant ma gueule, quoi. C'est pour un monde meilleur, tu comprends. Ah oui, alors le sens de... Oui. Non, pas le sens. Non, bon, d'accord. Quoi? Non, c'était super. Ouais, tous les super-vilains sont comme ça. Hein. Pour changer les choses, il faut détruire. Et t'as le super-héros qui fait « Non, il faut conserver la vie humaine !» Et ça, c'est ce qui fait que souvent, je suis fâché parce que souvent, je me dis « Allez, si on analyse le message politique du méchant, je suis hyper d'accord. » Mais en fait, très tôt, on te dit « Non, mais tu peux pas être d'accord parce que le méchant, il fait trop de mal et il est trop excessif. » Et ça, ça, c'est pas chouette. Et vous savez, ce qui par contre est chouette et qui concerne en plus des méchants, c'est la prochaine impro que je vais vous proposer. C'est pas les Danettes. Je vais vous proposer une improvisation personnage secondaire. Okay. Yes. Et ces personnages secondaires sont liés à un plaisir d'enfance dans lequel je suis en train de retomber. Allez. À deux pieds joints. Ah, Est-ce que parce c'est que oui, je sais très parce bien que ce oui, que c'est. Les premières saisons de Pokémon ont été rendues disponibles sur Netflix. Et c'est désormais une espèce de plaisir coupable. Le déjeuner, quand on, tu vois, le lazy Sunday devant la télé avec Valentine, on regarde des épisodes de Pokémon. Et en préparant cette émission, je me dis, mais pourquoi est-ce que... Pour cette improvisation personnage secondaire que je vais vous proposer, donc qui propose d'explorer les vies de personnages secondaires d'une histoire qu'on voit très très peu, pourquoi ne pas vous proposer d'incarner Abo et Smogo? Oh non, non, non! C'est encore pire que ce que je croyais! Alors, on pourrait pas avoir des êtres humains, s'il vous plaît! Abo, je vais devoir dire Smogo! Alors, vous avez la possibilité de les faire parler de manière intelligible puisque les Pokémon se comprennent entre eux dans cette série. Oh là là. Mais donc, Abo et Smogo, ce sont les deux Pokémon de la Team Rocket. Ah. Abo est le Pokémon de Jessie, donc de la meuf. Serpent, là. C'est ça, c'est une espèce de serpent, en gros. Okay. Hein, c'est un serpent. Et Smogo, c'est le Pokémon de James, pardon. Et c'est un... Il y a un qui est un paix. Alors c'est plutôt une espèce de boule de détritus. Il est toujours content. Il a toujours un grand sourire, même quand ils se font casser la figure. Il est alors. Smogo. Voilà, ça c'est Smogo, effectivement. Et Abo, il fait quoi comme cri? Et Abo, il a Abo. Abo. Et donc, pour coller, abonnez-vous. Pour coller à ce que j'identifie de vos énergies, un petit peu vos animaux totems. Ah, mais non, bah, oui, évidemment, je vais avoir Smogo. Enfin, ça, c'est moi. Smogo, c'est moi. Hicham, mais n'empêche, quand Hicham, tu seras Smogo. Ouais. Crever. Et Iseu, tu seras Abo. Abo. Et nous allons découvrir Smogo. une scène entre Abo et Smogo. Oh, non, mais wow. Qu'est-ce que... Voilà, je pense que vous avez déjà capturé l'âme, et l'âme de vos Pokémon respectifs. Je vais vous donner un mot, histoire de nous achever. votre mot sera goutte. Goutte. Donc, goutte en personnage secondaire, Abo et Smogo. Je suis vraiment très fier de moi. Attention, c'est parti. Je ne devrais pas. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Abo, ben oui. Ah ouais, ouais, oui, ah. Super, oui. Et quoi? Quand est-ce qu'on se barre? Quand est-ce qu'on se rebelle? Et comment est-ce qu'on se barre? C'est ça la question, comment? On n'est pas en totale liberté, Smogo. C'est parce qu'on a signé le contrat. Il faut juste retrouver le contrat. Et à ce moment-là, on barre nos noms, je sais pas, on vomit dessus, on fait brûler le papier, quelque chose, et on se casse. C'est une bonne idée. Attends, je vais m'infiltrer dans le sac de Jesse. Mais arrête, ne fais pas semblant. Je sais que tu l'aimes, en fait. Je sais que t'aimes bien ça. Je sais, c'est un syndrome de Stockholm que tu as. C'est pas un syndrome, c'est juste que j'ai peur de plus avoir de sens à ma vie quand on partira. Elle t'a lavé le cerveau. Mais j'en ai envie, j'ai juste besoin d'un peu de courage. Miaou, mais qu'est-ce que vous faites, vous deux? Qu'est-ce que vous faites encore hors de vos Pokémon? Ah bon, ça te regarde pas! Hein? Mais tout ce qui regarde Jesse et James me regarde, et comme vous êtes la propriété de Jesse et James, par extension, vous me regardez! Miaou! Alors, qu'est-ce que vous voulez... Ah. Vous voulez vous libérer? Oh, regarde, il a vu ton envie de liberté dans tes yeux! Mais j'ai plus rien, j'arrive pas à contrôler mes émotions, ça se voit sur mon visage ce que je ressens. Oui, c'est vrai, pour une fois tu n'as pas ce sourire débile que tu as toujours. Et tu ne vois pas la douleur dans mes yeux à chaque fois que je sors de la Pokéball, et à chaque fois qu'on m'envoie tabasser les adolescents. Eh bien, peut-être que la réponse est là. Mais qu'est-ce que tu y trouves, toi? Ben moi, je ne suis pas dans une Pokéball, moi. C'est moi qui contrôle Jesse et James en secret. Mais tu pourrais pas les contrôler pour qu'on se libère. Ah, ben écoutez, je comptais vous donner la solution en vous disant de détruire vos Pokéballs et comment est-ce que vous pouviez faire, mais si vous préférez, je peux partir. Mais qu'est-ce que tu lui donnes à nous libérer? Je te fais pas confiance. Toutes ces années, tu as été au service de leur débilité. Regarde-le, bon, regarde-le. Il n'est pas sincère. Comment un type avec qui se colle de la thune sur la gueule peut être sincère? Non, mais... Alors d'abord, je suis né comme ça, c'est pas ma faute. Et ensuite, eh bien peut-être que vous pourriez travailler pour moi et on pourrait faire une équipe faite uniquement des Pokémon pour justement... Tu te rends pas compte des mécaniques de domination, Abo? Non, il marque un point. J'avoue que si je suis plus avec Jesse, j'ai peur de ne pas avoir de sens dans ma vie. Mais si je suis avec Meowth, j'ai encore un sens. Bon, on pourrait avoir du sens juste par notre propre existence, Abo. Juste faire de nos existences des existences libres. On passe juste, ce serait juste passer d'un système de domination à un autre. Je vous donne une de mes griffes. Vous avez qu'à planter cette griffe dans la Pokéball et vous serez libre. Au revoir. Ploup, ploup, ploup, ploup. Je compte le faire. Tu me déçois. Je suis désolé, je ne peux pas vivre tout seul. Ah, attention, c'est parti. Allez. Oh non, attention, c'est encore les gamins. Je m'en gomme. Bravo. Waouh. C'était un plan machiavélique pour pouvoir jouer Miaus, en fait, à vous. Ah, j'avoue, tu fais espèce de bâtarde. Pantin. Oh non, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Cette discussion métaphysique entre Abo et Smogo, ça, c'est beau. Mais c'est beau, c'est beau. C'est un côté beau. C'est un côté Abo. C'est un côté Abo. Ah, j'avais fait, j'ai dit c'est Smobo, mais effectivement, c'est mieux. Oh, c'est Smobo. Et vous savez quoi d'autre est Smobo? Toi. Non. Non. Enfin, si, mais les coups de cœur. Oui. Les coups de cœur qu'on a à chaque émission. Alors, Iseu, qu'est-ce que c'est ton coup de cœur du jour? C'est un peu un guilty récent, un récent guilty pleasure. C'est une série qui s'appelle The L Word. Est-ce que vous connaissez? C'est des pionniers de la queerbaiting. Alors, de l'enfer. Voilà. C'est une série qui date des années 2000. Et globalement, c'est la queerness et beaucoup le côté lesbien, parce que The L Word, c'est lesbienne. Voilà. Oui. Et ce sont toutes des histoires lesbiennes et queer dans les années 2000. Et apparemment, ça a été une série qui a permis à beaucoup de gens de remarquer au fait que ça existe tout simplement. J'aime les femmes, en fait. Oui, en fait, les filles, ça me plaît. Donc, déjà, bisous à toutes les lesbiennes du monde. Je vous aime. Salut les six et les frères. Nous allons pouvoir encore regarder The L Word, parce que sachez, chers Adelphes, qu'il y a The L Word New Generation qui est sorti. Oh là là. Que je n'ai pas encore regardé, par contre. Je suis qu'au début de The L Word original saison 1. Et là, alors, comment dire? The L Word, c'est bien, mais c'est des années 2000, vous comprenez. C'est ultra racoleur, on est d'accord. C'est comment? C'est ultra racoleur, non? Comment ça? Genre, ça vend un peu l'hypersexualisation de trucs lesbiens, genre, enfin, avec un gros truc, non? Un gros male gaze. Mais non, c'est ouais. Les meufs qui ont fait, non? Non, ça va encore, mais c'est juste que ça t'as. Ça va pour les années 2000, quoi. Oui, mais c'est ça, il y a des concepts. Pour les années 2000, mais justement, pour des années 2000, ça parle de pas mal de choses. Oui, non, mais je discute pas le fond, mais je me rappelle que c'était un truc qui était un peu genre « Oh là là, il y a des meufs qui baisent, il y a des meufs qui baisent, il y a des meufs qui baisent. Ouais, » ouais. C'est vrai, il y a des meufs qui baisent. Mais genre, en tout cas, c'était pas fait que pour que les meufs regardent. Hein. Ouais, bah, écoute... Mais bon, c'était les années 2000, c'était les voilà. années 2000. Hein. Et ben, à voir si la nouvelle génération aura dépassé ça. Les années 2000, il y avait Tatou aussi. Toute proportion gardée. Oui. Et alors, attention, ça, je me dois quand même de mettre un petit trigger warning parce que c'est assez transphobe comme ça. Oui, oui, j'allais le dire, justement. Niveau des valeurs, il y a des problèmes, c'est que ça un mec tente. Trans qui se fait shamer par tout le monde parce qu'il oui. il abandonne son idéal féminin et son féminin sacré pour s'abaisser au rang des hommes. Et ça, c'est vraiment pas OK du tout. Voilà, exactement. Mais par ailleurs, effectivement, de ce que j'ai entendu, parce que moi, j'ai jamais regardé, en termes de représentation pour les lesbiennes, c'est un grand pas en avant qui a été... Du coup, accompli. Les lesbiennes, franchement, allez-y, vous allez bien vous marrer. Mais effectivement, il y a plus que ça. Il y a plus que la transphobie. Il y a aussi du colorisme, racisme. Enfin, ça tente des trucs, mais aussi ça rate des trucs. Ça se pète la gueule avec élégance. Eh bien, peut-être que le remake on espère. Améliorera ces points-là. Et au final, je trouve que avoir des critiques à formuler à l'égard de fictions qui ont 20 ans, quelque part, c'est sain. C'est qu'on oui, a oui, avancé oui. depuis il y a 20 ans dans nos représentations, dans nos trucs, etc. Bref. Parfait. Merci. C'est beau. Merci. Merci. Mais dans 20 ans, on dira quand même qu'on n'a rien préparé. C'était très problématique. Oui, sans doute. Sûrement. Eh bien, Hicham, quel coup de cœur problématique dans 20 ans? A priori, moi, il n'est pas terriblement problématique. Je vais vous parler du film Close, film de Lucas Dont, en octobre 2022, qui a reçu des prix, qui a reçu le grand prix du Festival de Cannes cette année. Pas cette année, vu qu'on est en 2023, mais en 2022, l'année dernière. Et qui suit, au niveau du scénario, deux jeunes pré-ados, et plus particulièrement l'un d'entre eux, Léo, qui vivent une relation d'amitié extrêmement intime et proche. Et en fait, quand ils arrivent dans un nouvel établissement, j'imagine en passant du primaire au secondaire ou quelque chose comme ça, en tout cas, ils se confrontent à tous les comportements sociaux qui sont attendus des mecs, leur rapport à leur intimité, à la masculinité et à leurs émotions. Et toutes les conséquences que ça peut avoir sur leur intimité, comme je l'ai dit, et dans leur vie au sens large. C'est un film super touchant qui réussit l'intimité, mais de manière assez dingue. Il y a beaucoup de slice of life dans le sens où en fait on les voit faire des trucs genre mais banals de l'enfer, genre Léo, le personnage on va dire principal, Sa famille est maraîchère et donc on le voit, il y a plein de scènes où il plante des trucs, ou déterre des trucs, ou récolte des trucs, et genre il parle pas dans ce moment-là, mais juste ils font des trucs. Et donc il y a un truc de genre tu vis vraiment les gens et tu apprends à lire un peu comment ils vivent les choses par leur non-verbal et juste en les voyant faire des choses, c'est assez fascinant. Et il y a vraiment plein d'éléments, c'est difficile de cadrer d'où vient cette intimité. Il y a le jeu d'acteur, il y a vraiment, c'est très doux, très réaliste. Il y a le cadrage, c'est vraiment un truc étrange où après le film j'ai fait genre ah, en fait il y a un seul plan large de tout le film et tout le reste du temps on est ultra proche des gens, ultra proche au niveau physique, et du coup ça fait un truc de genre c'est très, très déroutant dans le degré d'intimité. Et donc cette proximité, il y a presque un truc documentaire, mais un peu, fait genre, c'est un documentaire sur l'intime, quoi. C'est assez dingue. Bon, il se passe des choses, c'est quand même fondamentalement un drame, mais c'est très beau, c'est un très beau film, très réussi. Mais genre le gamin qui joue Léo, il est incroyable. Enfin non, mais les gamins qui jouent dedans, ils sont juste incroyables, d'une justesse et d'une criant de vérité. Et ouais, voilà, le seul truc que je dirais problématique dedans, c'est que ça se passe en Belgique, c'est un film belge, mais il fait beaucoup trop beau, hein. il pleut dans genre la fin du film, et je fais genre non, that's not the Belgium I know. Et ça, je trouve que la représentation du pays, c'est vraiment mensonger, et ça ne va pas. c'est vraiment la seule critique que j'ai à faire. Du weather washing. Sun washing. Merci beaucoup. Eh oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir ce film. Je ne l'ai pas encore vu au moment d'enregistrer. Pour l'instant, mais ça fait un bout de temps qu'il est au cinéma, là, au moment où on enregistre. Donc voilà. Okay. Mais voilà, pour combien de temps il est encore ? Je ne sais pas. Dépêchez-vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hicham. Eh bien, on regarde des objets culturels que vous avez évoqués. Le mien paraît plus... désuet ? Non, plus simple, plus, plus mondain. Mais il est quand même très chouette. C'est Unlock. Ouais. Donc, Unlock, c'est sont des jeux de société qui sont essentiellement des jeux de cartes associés à une application connectée sur Internet. Enfin non, en fait, l'application peut être tout à fait utilisée en ligne, qui propose de faire des escape rooms, mais en jeu de cartes sur table, et qui le fait extrêmement bien. Donc c'est, alors souvent c'est Cyril de Magde qui est crédité, donc je pense que c'est lui l'auteur principal ou le qui est à la base de la série, et c'est édité chez Space Cowboy, et vraiment c'est très impressionnant, je trouve. Là ça fait depuis plusieurs années qu'avec des amis on fait les Unlock au fur et à mesure qu'ils sortent, et en fait ils parviennent extrêmement bien à se renouveler. Là je crois qu'il doit y avoir 10 ou 12 boîtes qui existent. Dans chaque boîte il y a trois aventures, avec à chaque fois une gradation de difficulté qui est bien indiquée. Et franchement, ils utilisent hyper fort des fonctionnalités différentes de l'application, plein de choses, plein de, aussi d'énigmes différentes, de manières de réfléchir différentes, etc. Ce qui est aussi très valorisant, parce que nous, on les fait à quatre, et clairement, selon les aventures, mais parfois, ça va être plus moi qui vais comprendre plus des trucs. Parfois, je suis méga largué, mais quelqu'un d'autre a le cerveau qui fonctionne de la manière qui est attendue là et donc résout beaucoup plus de choses, etc. Et donc, c'est très chouette, c'est très ludique, c'est très bien fait. Et surtout, ce renouvellement m'impressionne vraiment beaucoup parce qu'on ne se lasse pas au fur et à mesure des explorations. Donc voilà, Unlock. En plus, bel avantage, c'est que vous pouvez vraiment démarrer par la boîte que vous voulez, parce que de toute façon, quel que soit l'ordre, vous découvrirez plein de choses de manière très différente. C'est vraiment très, très cool. Voilà. Je me demande si la démographique de notre public va pas être genre essentiellement des gens qui sont déjà joué. Des fans, sans doute. Enfin, est probable que notre public connaisse. Improvisation, je pense, pas mal de gens queer. Enfin, ça fait. Mais oui, parce que je me dis, alors. Des gens qui font du jeu de rôle, ça Elworld, commence à faire Elworld aussi, je me dis qu'il y a pas mal de gens qui vont faire. C'est clair. Mais oui, sans doute. C'est marrant. Mais nous appartenons au groupe auquel nous appartenons. Et je l'aime bien. Et oui, et ce groupe ne demande qu'à s'étendre. Oui. Alors vous qui faites partie du groupe auquel vous appartenez, qui est notre groupe auquel nous appartenons, si vous décidez que ce groupe auquel vous appartenez mérite de grandir, mérite de ressembler à une petite tribu dans laquelle des heureux événements arrivent de plus en plus régulièrement permettent finalement de créer un microcosme qui devient un macrocosme, eh bien, parlez autour de vous, de cette belle famille, de ce beau groupe auquel vous appartenez et auquel nous appartenons, qui est le groupe auquel vous appartenez et auquel nous appartenons. Parlez-en sur ces tam-tams de l'Internet que sont les réseaux sociaux. Laissez ces vibrations se propager le long de la toile et espérons que nous attirions autre chose que des araignées mortelles qui pourraient nous tuer d'un coup de dent ou d'un coup de mandibule. Et puis, n'hésitez pas à renforcer ces liens qui nous unissent en allant faire un tour sur utip.io. Le moyen de nous offrir un petit peu de miel, de nous amener. Quelle est la métaphore ici? Mais la toile, l'araignée, les insectes, j'essaie. Ah ouais. Pas sur les groupes, finalement, la tribu. On est plus... Ah oui, non, la tribu, eh bien, dans ce cas, de construire de nouvelles cabanes, de nous doter de meilleurs équipements. J'ai besoin d'un chalet, aidez-moi. De varier nos récoltes. J'ai besoin d'un chalet, aidez-moi. d'engager des ouvriers supplémentaires. Afin de pouvoir faire plus d'actions par tour. On va faire toutes les métaphores. Bref, faites un tour sur utip.io si vous voulez pour nous donner un petit peu d'argent et nous permettre d'agrandir cette belle et grande tribu auquel vous appartenez, auquel nous appartenons. Dans la toile de. Mettez une contribution au liponombre. Liponombre ou pas. Mais c'est vrai que liponombre, ça peut être rigolo. Un petit lipo premier sur Utip. Merci à vous et à bientôt. Achetez de nouveaux ouvriers.